c'est un peu comme un joli conte de fées. Imagine-toi évoluer entre des accords animés. L'espoir perd un peu de vie chaque jour que tu fais. Des notes peuvent être ravivées, son corps inanimé. Car la musique illustre les rêves. Les rêves de tous les sorts submergent les âmes en profondeur jusqu'à les envahir. Les rêves, nos désirs les plus profonds sont la somme. Ma voix, le son, la somme, pour mieux la faire jaillir. Les vers créent un univers enivrant qui s'avère être irréel, bien qu'il soit fier d'alimenter tes rêves. C'est en livrant ma verve que je recolle les bouts de verre de tes fantasmes brisés comme les vitres d'une serre. Ferme les yeux et reçois l'émotion que je sers. Frère, les mots sont ce dont je me sers, ce dont je m'en sers pour animer tes illusions, mes rêves de rêverie. Là je te parle de la vie. Un rêve n'est pas que le produit de ton imagination. Ce que ton esprit produit n'est que le fruit d'une machination visant à te faire comprendre que la vie que tu vis n'est pas celle que tu vises. Et tu le sais, les rêves t'avisent. Donc le combat commence pour que t'atteignes ton objectif. Le mot déterminé doit être le seul adjectif qui te qualifie. Si tu souhaites en sortir, la vie est un cauchemar et on rêve d'en sortir. S'évader, qu'on a besoin de changer d'air. On se met à rêver d'une vie qui représente un idéal. Et certes, tu tombes, il n'est que le fruit de toutes les couleurs que génèrent nos souvenirs morbides et nos rêves morts et bons. Nos désillusions qui brisent notre motivation. On ne peut que fermer les yeux et rêver d'un horizon moins funèbre, moins s'enfuit dans les ténèbres. Mais ton bonheur, tu bouts des lèvres, pour beaucoup reste un rêve. Vivre à fond doit être une règle à laquelle tu ne déranges pas. Ce que tu vis est réel, il est temps que tu te réveilles. Ne me dis pas que vivre comme tout le monde ne te dérange pas. La recherche du bonheur est un concept probablement aussi ancien et précieux que de l'or ou du papyrus. Des idées emboîtées dans l'ordre, telles des poupées russes. De l'envie de réussir sa vie à celle d'apprécier le moment. Les nuages se dissiperont le jour où tu les chasseras. N'espère pas qu'ils s'en aillent si tu les observes couvrir le ciel. Les regrets apparaîtront le jour où tu passeras. Le jour où le soleil laissera place à seulement quelques lucioles. Ce jour seulement tu pourras jouir d'une vraie liberté. En attendant, pas toi jusqu'à pouvoir scruter la lune. Avant que les étoiles ne s'éteignent toutes une par une. Avant de retourner te coucher, mais cette fois pour l'éternité. Cette fois pour l'éternité. Rêver nous maintient en vie, je sais, mais arrête un peu de rêver éveillé. Gardons tes rêves pour tes longues nuits. Et sois concentré pendant le jour pour les accomplir. Arrête donc de te persuader qu'un jour tu t'envoleras. Si t'essayes même pas de battre tes ailes. Ouais, tellement de choix s'offre à toi. Tu peux continuer de rêver de vivre. I have a dream, I still have a dream. Vivre.